Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la controverse autour du film de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire. Le taxi. Je vais faire juger 10 hommes pris dans chaque compagnie de votre régiment qui risquent d'être fusillés pour l'acheter. Mais mon général, ce ne sont pas des lâches. Donc si certains n'ont pas quitté les tranchées, c'est sans doute parce que c'était impossible. Ils avaient l'ordre d'attaquer. Leur devoir était d'obéir à cet ordre. Nous ne pouvons laisser les hommes décider si un ordre peut être exécuté. S'il ne pouvait pas l'être, la seule preuve convaincante eût été leur cadavre jonchant le sol des tranchées. Extrait du film Les Sentiers de la Gloire, réalisé par Stanley Kubrick en 1957, l'image que donne le réalisateur américain de l'armée française et du haut commandement de l'armée française en particulier, le thème aussi qu'aborde le film de Stanley Kubrick, vont déchaîner les passions au moment de la sortie du film à la fin des années 50. En France, la question des fusillés, pour l'exemple, est si sensible qu'il faudra presque 20 ans pour que le film de Kubrick soit finalement projeté sur les écrans français. Eh bien, colonel, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je pense de quoi, mon général? La cote 110. Colonel, votre régiment doit s'emparer de la cote 110 demain. Vous savez dans quel état sont mes hommes? Naturellement, des hommes devront se faire tuer, et même en très grand nombre. Ils subiront les premiers tirs d'artillerie ennemie, donnant ainsi la possibilité aux autres d'avancer. Quel renfort me donnerez-vous? J'en ai pas à vous donner. Mon général, cela veut dire que plus de la moitié de mes hommes seront tués. Oui, il est terrible que ce soit à ce prix, colonel. Nous aurons enfin la cote 110. Mais l'aurons-nous? Je compte sur vous, colonel. La France tout entière compte sur vous. Mes propos vous amusent, colonel? Je ne suis pas un taureau, mon général. Inutile d'agiter un drapeau pour me pousser à charger. Je n'apprécie guère que vous compariez le drapeau français à la cape d'un matador. Je ne pensais rien d'irrévérencieux pour le drapeau français. Un patriotisme est peut-être vieux jeu, mais montrez-moi un patriote et je vous montrerai un honnête homme. Tout le monde n'est pas d'accord. Samuel Johnson était d'un tout autre avis sur le patriotisme. Et que disait-il, par exemple? Il disait que c'était l'ultime refuge de la canaille. Excusez-moi, mon général, ça n'avait rien de personnel. Vous êtes fatigué, Dax. Très fatigué. C'est vous qui êtes épuisé, pas vos hommes. Autre extrait du film de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, ça donne le ton de cette dynamique qui opposera ce général et son subalterne. Pour nous parler de ce film et de la vive controverse qu'il va susciter, mon invité Carl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, collaborateur régulier de l'émission. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous pousse tout à coup, Carl Bouchard, à vouloir causer cinéma à l'émission aujourd'hui? Blague à part, Carl, pourquoi? Pourquoi ce film-là? Le film de Kubrick est intéressant pour nous. Oui, ben, j'ai vu quelques-uns des films de la Première Guerre mondiale. Celui-là me plaît toujours autant. J'ai dû le voir peut-être une quinzaine de fois. Je le présente fréquemment dans mes cours. C'est toujours un grand succès parce que c'est à la fois un film très intéressant sur la guerre et c'est un film aussi avec une histoire. Donc, à la fois le cinématographiquement et aussi comme film politique, il est très, très, très pertinent. Qui relate une réalité qui a existé, ouais. Qui est très critique aussi sur... Tout à fait. Sur une certaine manière de faire la guerre. Une manière de faire la guerre. Donc, il y a effectivement un regard critique. Et on a vu beaucoup de choses dans ce film. Comme d'habitude, comme dans toutes les œuvres, une fois qu'elle est lancée, le créateur n'en a plus le contrôle. Donc, on a dit beaucoup de choses sur ce film. On l'a présenté comme un film anti-militariste, pacifiste, contre la France. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup, ouais, de propos sur le film. Et quand on le regarde de façon un peu plus critique, on voit qu'il y a effectivement un discours, mais que c'est aussi un grand film sur la guerre. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte, ce film-là? Ben, c'est une histoire très simple, en fait, qui se passe sur 3 jours, c'est l'histoire d'une attaque. On en a parlé dans les extraits. Ça se passe en 1916 et c'est une attaque suicide, en fait. Une attaque qui est presque condamnée à l'échec, mais une attaque qui a été déterminée pour des raisons davantage d'avancement de carrière. Donc le général, qui est le général Miro, qui parle à Dax et qui lui convainc de faire l'attaque, lui dit, ben, vous devez prendre cette côte et en récompense, ben, le général aura une nouvelle étoile à ses galons. Donc, augmentera en promotion. Donc, sacrifier des hommes pour la gloire personnelle. Sa gloire personnelle, c'est entre autres ça que dénonce le film. C'est le début, exactement. C'est le début du film. Et ensuite, on a, en fait, ces 3 temps. Il y a un peu cette première partie qui est celle de l'offensive qui échoue. Par la suite, eh bien, on a cette scène de cour martiale. Donc, on va condamner, parce que cette attaque échoue, et le général en refuse la responsabilité. Il va donc dire que ce sont les hommes qui ont refusé de combattre. Et on va traduire en cour martiale, donc, trois de ces hommes qui sont exécutés. Donc, c'est un peu la deuxième phase. La troisième phase, c'est l'exécution en soi de ces hommes, au terme, donc, d'un simulacre de procès, et puis de ce passage au purgatoire de ces hommes qui se préparent à mourir. Ce film-là, on en parle aujourd'hui parce qu'il nous dit des choses importantes sur la guerre, sur la Première Guerre mondiale, et aussi parce que pour vous, Karl Bouchard, vous en avez vu quelques-uns des films de guerre. C'est, sur le plan cinématographique, c'est un grand film. C'est un film très intéressant. La scène de l'offensive, par exemple, est extrêmement réussie pour l'époque. On est aussi dans l'atmosphère de Kubrick. On connaît Stanley Kubrick, son obsession pour la guerre, la violence, donc dans différents films. Donc là, il a l'occasion, c'est son premier grand film, il a l'occasion de, pour la première fois, faire quelque chose d'un peu plus important. Il a un bon budget. Et donc, on a là des travelling très intéressants au moment des attaques. C'est un film qui est très resserré, à 1h30, très court. Aujourd'hui, on ferait un film de 3h avec un sujet pareil. Donc, très, très court, mais tout est bien ficelé. Ça s'encadre bien. C'est un film assez remarquable. Qu'est-ce qui lui donne l'idée à Stanley Kubrick de faire ce film-là? Oui. C'est un film inspiré d'un livre, lui-même inspiré de faits divers. En fait, c'est un Canadien, un journaliste canadien qui s'appelle Humphrey Cobb, qui, dans les années 30, a vu passer un fait divers où on réhabilitait des soldats qui avaient été fusillés, pour l'exemple, en France. Il a commencé à faire ses recherches et en fait, il a produit un roman qui mélange certaines histoires de la Première Guerre mondiale, mais autour de ces hommes qui ont été fusillés, pour l'exemple. Et Stanley Kubrick a lu ça adolescent et c'est un livre qui l'a marqué. Il a décidé de s'en servir pour faire ce film. Et donc, c'est autour de ces hommes fusillés qu'on va faire tourner le film, mais en même temps, même Kubrick a pris des libertés par rapport au roman. Donc, c'est un peu un collage de faits divers avec, dans le fond, des idées de la Première Guerre mondiale sans qu'on puisse donner, là, comme ça, un nom, accoler un nom en particulier à certains soldats. On va s'intéresser, parce que ça vaut la peine, à l'histoire vraie, celle qui a inspiré le roman d'abord. Mais peut-être une petite précision, c'est pas évident et clair pour tout le monde, fusillés pour l'exemple. Ah oui, c'est une bonne question, effectivement. Les fusillés pour l'exemple, ce sont les soldats qui ont payé de leur vie des échecs dans le cadre des offensives et qui ont donc été sacrifiés au nom de l'exemple pour l'ensemble du régiment. C'était une façon que le haut commandement avait trouvée pour redonner un peu de vigueur à un régiment, donc de toujours garder cette épée de Damoclès de la mort possible et de toujours garder la ferveur au combat. Vous avez échoué. Exactement. Il faut que quelqu'un des quelqu'un va payer. Ben. Exactement. Ouais. Donc, sans que le film s'éloigne encore plus que le roman de l'histoire vraie, mais il y a entre le roman, le film, on revient d'une manière ou d'une autre à cette histoire qui a inspiré ce roman canadien. Racontez-nous l'histoire. Ils sont quatre caporaux. Exactement. Quatre caporaux qui, pendant la Première Guerre mondiale, ont été fusillés. Alors, c'est Théophile Maupas, Louis Le Foulon, Louis Girard, Lucien Lechat. C'était des soldats qui avaient été, donc, qui avaient reçu l'ordre d'aller couper des barbelés ennemis de l'autre côté du No Man's Land. Le No Man's Land, dans ce secteur, n'était pas très large, 150 mètres, mais ils devaient sortir en plein jour et avec une pluie d'obus qui leur tombait dessus. Ils ont été incapables de se rendre, en fait, aux barbelés ennemis. Ils se sont cachés dans les trous d'obus et au terme de la journée, ben, ils sont revenus dans leur tranchée. Et quelques jours plus tard, ils ont été accusés de lâcheté devant l'ennemi, de refus d'obéissance et on les a fusillés, donc pour donner l'exemple aux autres soldats vivants que c'était un refus d'obéissance et qu'il fallait obéir coûte que coûte aux ordres de l'armée. Ouais. Le film de Kubrick, il est projeté dans un premier temps en Allemagne, à l'automne 1957. Il sera projeté ensuite aux États-Unis, au Royaume-Uni. Ce qui est assez fascinant dans la petite histoire derrière le film, c'est que dès la sortie du film, les Français s'inquiètent énormément du fait que le film soit éventuellement présenté en France. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Pourquoi? Oui, on est à la fin 1957 à peu près. Le film est présenté donc en Allemagne. Il faut rappeler que le film a été tourné en Allemagne, donc la plupart des figurants sont des policiers allemands, en fait, qui jouent des rôles de soldats français. C'est aussi assez ironique. Donc, on a un Américain qui tourne un film en Allemagne avec des figurants allemands, mais qui touche à la France. Donc, déjà, pour les Français, c'est louche. Il y a quelque chose là d'un peu inquiétant. Le film est présenté en première à Los Angeles à l'automne 57, et le délégué général, le consul, en fait, de la France à Los Angeles, et Romain Gary, le grand écrivain Romain Gary, voit ce film en première, et il est atterré par le film. Et tout de suite, il écrit au ministère des Affaires étrangères en disant on a un genre de pseudo-réalisateur. Stanley Kubrick est encore jeune à l'époque, c'est son quatrième film, très peu connu. Un pseudo-réalisateur qui vient d'attaquer la France. C'est une souillure sur la France. On doit absolument tout faire pour empêcher la diffusion de ce film. mais quand même une réaction très, très forte. Exactement. Ouais. Pourquoi? Ben, parce que ça touche à l'honneur de la France. Pour Robin Gary, comme pour beaucoup de Français qui vont le regarder, la Première Guerre mondiale est encore récente. On est en 57, une quarantaine d'années plus tard. Les anciens combattants sont toujours en vie. Ouais. Donc, ils sont très présents dans l'espace mémoriel et le contexte est aussi extrêmement important. On est en 1957, la France est en guerre. La France est en guerre après avoir combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale, connu la défaite. Elle connaît la guerre contre l'Indochine à partir de 1945, sort de la guerre pour entrer dans la guerre d'Algérie. Ouais. Alors, ça fait des années que les Français sont en guerre. Il y a eu la crise de Suez l'année auparavant. Attaquer l'armée, c'est absolument impensable dans le contexte où on est en train de reparler en France du retour de la cour martiale. Le pays est en état d'urgence. Un film qui critique le haut commandement, qui critique l'armée, c'est inadmissible. Ouais. On a déjà connu en France l'affaire Dreyfus. Mm-hmm. Et il est hors de question de nouveau d'attaquer l'armée. De rejouer dans ce film-là, pour exactement faire un mauvais jeu de mots. Étrangement, ce n'est pas en France, par ailleurs, que la controverse va éclater de la manière la plus vive et la plus tangible. C'est dans un cinéma de Bruxelles. Ici Georges Conen qui vous parle de Bruxelles. Hier soir lundi, des incidents ont éclaté dans un cinéma de Bruxelles où l'on projette un film américain de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, en anglais Path of Glory. La police a dû intervenir. On a expulsé une vingtaine de personnes parmi les coups de sifflet et les huées. Il y eut un échange de coups de poing, les manifestants étant pour la plupart des officiers de réserve français résidant en Belgique et d'anciens combattants belges. Rappelons que les critiques belges ont insisté dès la sortie du film sur le caractère nettement antimilitariste, mais ils ont spécifié d'autre part que la France et que l'armée française n'étaient pas plus mises en question que ne l'était l'armée anglaise dans Le Pont sur la rivière Kouai ou l'armée allemande dans À l'Ouest rien de nouveau de Erich Maria Remarque. Ce que le jeune réalisateur Stanley Kubrick a voulu exprimer, c'est l'absurdité de la guerre. Mais avouons qu'il l'exprime avec une certaine audace, de manière agressive, voire corrosive. Cet aspect de la réalisation rend la vision du film par moments déplaisante, avec cette circonstance aggravante que si l'intrigue n'est pas basée sur un fait réel, elle évoque des événements assez proches de nous et dont les répercussions ne sont pas encore amorties. Le film n'a pas encore été projeté en France et ne le sera vraisemblablement pas. Ici Georges Conen qui vous a parlé de Bruxelles. Donc, ça se bagarre dans les cinémas, Karl Bouchard. Qui se retrouve dans les deux camps qui se bagarrent et qu'est-ce qui provoque cette telle réaction? Bien, comme souvent, sur des questions comme ça, il y a un clivage en fonction des allégeances politiques. Alors, on a une gauche qui applaudit à l'antimilitarisme et qui souligne le brio du réalisateur et la justesse du film. Et puis, de l'autre côté, une droite beaucoup plus hésitante à condamner l'armée et qui surtout considère que c'est un geste extrêmement déplacé et très maladroit contre les anciens combattants, donc qu'on doit honorer et dont on doit constamment rappeler le sacrifice et non pas montrer les mauvais côtés. Donc, c'est moins la justesse du film, et le journaliste le dit bien, ce sont des faits réels, ça s'est vraiment passé. Et d'autres films ont dénoncé cette exactement. Donc, ce qu'on condamne surtout, c'est l'indélicatesse de faire ce genre de film-là face à des anciens combattants, et c'est pour ça que ces anciens combattants vont se présenter en Belgique, traverser la frontière pour manifester contre la diffusion du film. Le journaliste, c'est amusant avec le recul, termine son reportage en disant que le film ne sera pas projeté sous peu en France. Ça va prendre presque 20 ans pour que le film soit vu sur des écrans français. Pourquoi? Ben, en fait, Stanley Kubrick et surtout les diffuseurs, distributeurs, ont décidé de ne pas présenter le film à la commission de censure française. Et donc, n'ayant pas le visa d'exploitation, le film n'est jamais sorti. En fait, la pression, les pressions exercées par le ministère des Affaires étrangères aux États-Unis sont suffisamment fortes pour qu'on se dise « on ne va pas faire ça, ça peut même dégénérer en conflit diplomatique ». Donc, laissons tomber cette histoire et puis le film reste donc présenté ailleurs. Il ne sera pas présenté en Suisse non plus, par exemple. On refusera aussi de le présenter là-bas. Donc, c'est quand même un film qui a été mis de côté pendant plusieurs années. Il sera quand même éventuellement présenté en France en 1975, en fait. Et à sa sortie, en 1975, il va tout de même soulever de très, très vives réactions. Je vous propose d'écouter le vétéran Pierre Sergent qui a été invité par France Inter à aller voir le film, à le commenter. Écoutez-le donc en mars 1975. 14-18, pour moi, c'est le sacrifice de nos pères et c'est surtout une foule d'hommes qui sont enterrés dans les cimetières, qui vous serrent le ventre, qui vous serrent le cœur, qui vous met les larmes aux yeux quand vous y allez Et c'est une horreur. C'est une horreur, mais une horreur quelque chose de sacré. Et je pense que ce sacré-là, il ne faut pas y toucher à la légère. Je suis donc allé au cinéma, puisque vous m'avez convié à aller voir ce film. Et en sortant, j'ai respiré. J'ai dit « ouf ». Et pourquoi « ouf » ? Parce que c'est tellement gros, tellement énorme. Les généraux sont tellement lamentables, sont tellement arrivistes. Les officiers sont tellement stupides que je me suis dit « ça ne portera pas ». Ce n'était pas ça l'armée française en 14, en 40 et en Algérie. Je me suis posé la question, et toi, si tu avais été colonel en 1916-1917, qu'est-ce que tu aurais fait à la place du colonel Dax, le fameux colonel qui va ensuite à l'assaut? Eh bien, j'en sais rien, ce que Pierre Sergent, à l'époque, aurait fait. J'en sais rien du tout. Je sais simplement qu'il y a des hommes admirables, qui étaient tous des universitaires, qui étaient éventuellement même des curés, des industriels, des types formidables, qui sont partis à la tête de leurs troupes et qui ont monté à l'assaut. C'est un ancien combattant, bien sûr, qu'on entend, mais quand même, Karl Bouchard, on voit que la réaction, même en 1975, elle est très, très vive. Il y a ce côté sacré, ce côté intouchable des vétérans de la Première Guerre mondiale, entre autres. Ouais. Et aujourd'hui encore, il y a des débats autour de ce thème des fusillés, pour l'exemple. C'est encore sensible, cette question-là. C'est toujours sensible. C'est toujours sensible. Et en fait, depuis plusieurs décennies, il y a beaucoup d'historiens, de militants qui travaillent, font du lobbying auprès des gouvernements pour qu'on reconnaisse les fusillés, pour l'exemple. C'est assez touchant quand même comme épisode parce que, et là on a un bel exemple dans le film, on a un soldat qui va être fusillé et Dax essaie de le défendre en disant « mais cet homme a été incroyablement courageux depuis le début de la guerre » et la réponse qu'on lui donne c'est « mais c'est pas ses actes passés qu'on met en cause, c'est son refus de se battre aujourd'hui ». Et en fait beaucoup de militants aujourd'hui et d'historiens disent « on a oublié ces gens qui ont été fusillés. Souvent, ils ne sont pas présents, par exemple, sur les monuments aux morts. Leurs noms sont effacés, même, de la mémoire officielle. Et on dit, ben, ces gens-là, ils se sont battus comme les autres. Ils ont été pris dans ce système. Ils ont peut-être flanché un moment. Il y a certains qui ont déserté, qui ont été fusillés pour ces raisons. Mais c'est inadmissible de les enlever de l'histoire de ce combat. D'autant qu'ils sont, vous me corrigerez, mais souvent, on doit... Il y en a 10 par régiment. C'est un tirage au sort, ouais, en fait. Exactement. Ben, ça dépend des armées, en fait. Dans le cas français, c'est souvent le tirage au sort qui constitue la façon la plus républicaine et égalitaire de choisir ceux qui sont sacrifiés. Les nombres ne sont pas extrêmement élevés. Dans le cas français, c'est 600, à peu près 650 personnes qui ont été exécutées durant l'ensemble de la guerre. Là, 650, ça peut paraître beaucoup, mais on parle de dizaines de millions d'hommes. Donc, ce n'est pas extrêmement élevé. Dans d'autres États, c'est plus important. Dans tous les cas, c'est une pratique qui est extrêmement contraignante et qui montre que la menace de la mort est très présente. Ouais. Avec le recul, quel regard on peut poser sur le film et surtout sur ce qu'a voulu faire Stanley Kubrick avec ce film-là? Parce qu'on a dit, on a dit à peu près n'importe quoi sur les intentions de Stanley Kubrick. Sur les intentions. Stanley Kubrick a dit des choses aussi sur son film en disant que c'était effectivement un film politique qui remettait en cause l'armée. C'est intéressant d'entendre l'extrait de cet ancien combattant parce que avec le recul, moi, je vois ce film et je ne vois aucune condamnation des soldats. Au contraire, les soldats font très bien leur métier dans ce film. Donc, ce n'est pas un film antimilitariste. Il n'y a pas de propos antimilitaristes dans le film. Et au contraire, les soldats sont très professionnels et répondent aux ordres. S'ils ne répondent pas positivement à cette offensive, c'est que pour eux, c'est impossible. Donc, Kubrick ne montre jamais des soldats lâches ou la violence des soldats eux-mêmes. Donc, on ne peut pas dire que c'est un film antimilitariste. Ce n'est pas un film pacifiste non plus. Il n'y a pas de propos contre la guerre en soi. En même temps, le titre est déjà indicateur. Ça s'appelle « Les sentiers de la gloire ». C'est tiré d'un poème du 18e siècle d'un auteur britannique qui s'appelle Thomas Gray, qui dit dans son poème « Les sentiers de la gloire ne mènent qu'au cimetière ». Et déjà, cette phrase nous dit quelque chose sur ce que Stanley Kubrick veut faire avec ce film. Mais en fait, la dénonciation dans son film, elle est universelle. Ce n'est pas un film non plus anti-français. Et dans le reportage du journaliste, on dit effectivement « dans d'autres films ont condamné cette pratique-là ». C'est le haut commandement, encore une fois, qu'on condamne d'abord et avant tout. Puis une espèce de... d'insensibilité par rapport à ce qu'on demande à ces hommes, encore une fois, pour sa gloire personnelle. Oui, en fait, quand on regarde le film attentivement, on s'aperçoit que c'est davantage une critique sociale qu'une critique de la guerre. Ouais. C'est pas non plus... C'est un film où on voit jamais l'ennemi. C'est aussi assez fascinant pour un film de guerre. Jamais un Allemand est présenté dans le film, sauf à la toute fin, on pourra peut-être en parler. Donc, c'est contre l'insensibilité, contre l'égoïsme des dirigeants que Stanley Kubrick va se positionner. Ouais. Et il va rejoindre dans ce sens-là, et c'est pourquoi peut-être la sensibilité française est un peu différente. Il rejoint en ce sens-là une façon très britannique, très anglo-saxonne de voir la guerre. Il y a une expression très courante dans le monde anglo-saxon sur la Première Guerre mondiale. On dit « lion led by donkeys », donc des lions qui ont été dirigés par des ânes. C'est une critique du haut commandement et dans le fond, c'est cette critique que Stanley Kubrick va récupérer pour le film. Vous évoquez la scène de la fin. Effectivement, on ne peut pas faire une émission sur les sentiers de la gloire sans parler de cette fameuse scène finale. Allez, vas-y, chante tout quelque chose, vas-y, allez, chante! Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach, bitte, Mutter, bring ein Licht. Mein Liebchen stirbt, ich seh es nicht. Das war nur... Décrivez-nous cette scène finale. Pourquoi elle est si forte aussi? Oui, elle est forte. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la seule scène où on voit un ennemi, en l'occurrence une ennemie, qui n'est pas combattante. C'est une Allemande qui a été plus ou moins récupérée dans un cabaret. Ça se passe peut-être quelques minutes, quelques heures après l'exécution. Les hommes sont véritablement dans une période de détente après une offensive ratée, puis des exécutions. Et dans cette scène de cabaret, on oblige cette femme à chanter. Et elle commence à chanter sous les colibets, les injures, les cris de ses soldats. Et puis peu à peu, on le voit dans l'extrait qu'on a écouté, sa voix domine en fait la salle et les hommes commencent à chanter. En fait, ces hommes qui sont aussi des brutes, hein. Kubrick montre bien, ils sont extrêmement violents envers elle. Ils sont aussi violents envers elle que l'état-major l'a été envers eux, donc ils reproduisent aussi un type de violence. Mais puis par la suite, tout ce qui reste, c'est la voix de la femme. Et là, peu à peu, ces soldats redeviennent des hommes et redeviennent des hommes dans la condition de l'humanité, très émus par cette femme qui chante. On pense probablement à la femme qu'on a laissée à la maison, à ses enfants. Et donc, c'est une scène qui détonne complètement du film et qui ramène justement énormément d'humanité à la guerre elle-même. Et c'est extrêmement touchant cette sensibilité qu'a développée Kubrick à la fin. Et pour la petite histoire, il en fera la femme de sa vie, de cette chanteuse allemande. Il en fera la femme de sa vie, exactement. Elle est devenue sa femme jusqu'à la mort de Kubrick, effectivement. Carl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Carl. Un grand plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.